Je parle néerlandais, mais je parle pas allemand. Ouais. Normally, if we meet like 100, 90, but 100 is great, it's better. Okay, wait. 100. Let me see. Yeah. 20, 100 is way better. Ça, c'est vraiment mieux. Je le sens que ça, c'est mieux. This one is not that bad. What do you think? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Enfin, c'est difficile de parler. Hein. What do you think about this drum track? Let me put some reverb on it. Okay. Alright. Okay. Let's do it.